Radiomatique. La transmission 382 d'Audiomatic s'ouvrait avec la pièce Anthracite, composée par S. Dana, en collaboration avec le projet Field Rotation. La pièce se retrouve sur l'album d'S. Dana, intitulé Perimeters, paru en 2011. Les sonoristes vous offrent maintenant à entendre le duo allemand The Damn Freak Noise Funk. We'll be right back.

Il s'agissait à Audiomatic du groupe australien Snog et sa composition Are You Normal Enough, ici remixée par le projet new-yorkais END, END, sous le nom de END Encourage Less Normalization. On retrouve cette version sur l'album Relax Into the Abyss de Snog, paru en 2000 et qui comprend des versions remixées de pièces extraites de l'album Third Mile from the Sun. Et ce qui amorçait ce segment musical, c'était le duo allemand The Damn Freak Noise Funk, formé de Oliver Bunzio et Raymond Zenker, qui font également partie du duo Hard Floor. Du premier album de The Damn Freak Noise Funk, intitulé Electric Crate Digger, paru en 1999, nous entendions la pièce Lunch Corner. Audiomatic se poursuit maintenant sur la musique de Bit Crush. À Audiomatic, cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique composée par l'artiste Mick Harris, qui fut batteur pour la formation Napalm Death, du moins pour les trois premiers albums, avant de lancer son projet Scorn en 1999. C'est d'ailleurs de Scorn qu'on entendait la pièce Mugwump Tea Room, tirée de son avant-dernier album intitulé Café Mort, paru en 2019. Avant Scorn, on écoutait le projet Bit Crush de l'artiste Mike Cadou et la pièce qu'il nous offrait, The Collapse Out Of, apparaissait sur son plus récent album intitulé Collapse et qui est sorti en 2012. La transmission 382 d'Audiomatic se poursuit cette fois avec l'artiste américaine Saint Vincent. Wait, I'll be swifter than the speed of light. Carbon on my body, a billion years of time. You'll Bye. à Audiomatic. Nous écoutions la pièce A Snifter for Daddy, un extrait de l'album So What du duo allemand Hard Floor qui est sorti le 29 mai 2000. Précédemment à Hard Floor, nous avions droit à la formation suisse de Young Gods qui nous offrait la pièce Speak Low, qui a été originalement composé par l'Allemand Kurt Weill pour sa comédie musicale One Touch of Venus, créée en 1943. Cette interprétation qu'en a faite The Young Gods est tirée de leur album The Young Gods Play Kurt Weill, paru en 1991. En septembre 1989, The Young Gods ont été invités par la Bâti Festival de Genève et par le Frisson de Fribourg pour participer à un concert hommage à Kurt Weill, et ce sont ces interprétations que le groupe a endisquées sur l'album The Young Gods Play Kurt Weill. Et pour amorcer cette séquence, c'était Saint Vincent et sa chanson The Apocalypse Song, que l'on retrouve sur son premier album studio, Marry Me, lancé en 2007. Cette transmission 382 d'Audiomatic se conclura sur la musique de Luke Slater et sa pièce Doctor of Divinity, se retrouvant sur l'album intitulé All Right on Top, paru en 2002. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomatic-cfou et mixcloud.com/audiomatic si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes transmissions d'Audiomatic. Nous serons de retour en onde mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 383 d'Audiomatic. Voici donc pour terminer cette transmission d'Audiomatic, Luke Slater et sa pièce Doctor of Divinity. C'était bien sûr Audiomatic avec les Sonoristes.